Mes amis gars plus qui lutte, l'idée gagne aux femmes qu'elle y dérème en pile, tu sais tout la vie. Play à malin, les gars des femmes dans une fois, lui qui lutte pour 5 fois, 6 fois, 7 fois, 4, 20 fois. Quel que soit femme dans l'idée, c'est pas le temps. Ouais, tu passes à parler, l'idée mes femmes ou l'idée, c'est pas le temps. Look out, watch out, play. Oh yo yo, why I, why I, why I, why I, sacrifé là, play à tourner, l'idée tout. Mais dans cette scène, oh yo yo, why I, why I, why I, why I, sacrifé là, léa à tourner, libre à tourner, tout le monde met dans cette scène. Look out, look out, look out, à qui, mangez moun, pépé, léa à di, bagué moun, kiké moun, oi. Tout côté plein à passer. Je m'attendais. Car les têtes là, tout mouance. Car le petit cheveu. À bon chauffe. Déjà petit cheveu. À bon chauffe. Tout côté plein à passer. Je m'attendais. Oui, oui, oui, oui. À bon chauffe, tout côté plein à passer. Je m'attendais, dans les têtes, la tour, un galop petit cheveu. À bon chauffe, déjà petit cheveu. À bon chauffe, tout côté plein à passer. Je m'attendais, petit cheveu, à bon chauffe. Tout côté plein à passer. Je m'attendais. Dans les têtes, la tour, un scalo petit cheveu, à bon chauffe. Déjà petit cheveu, à bon chauffe. Tout côté plein à passer. Je m'attendais. Oh yo yo, why I, why I, why I, why I, sacrifé là. Play à tourner, ligue à tourner. Tout le monde met en tête. Say, oh yo yo, why I, why I, why I, sacrifé là.